الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، la semaine passée nous avons lu le passage dans lequel l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala démontrait la relation qu'il y a entre la seigneurie et la divinité. Il nous a donc montré que le Seigneur Ar-Rabb huwa al-Ma'bud, c'est-à-dire celui qui est le créateur, le Seigneur, le maître, celui qui administre toutes choses et qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, est le seul à mériter l'adoration. والرب هو المعبود أي المعبود الحق المستحق للعبادة المستحق للعبادة ومن عبد من دون الله من الآلهة فلا تستحق العبادة. واستدل بقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. نعم. À la fin de ce verset ou plus loin, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez. Donc on a commencé par ordonner l'adoration, donc d'unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, et on a fini en interdisant al-shirk. On a fini en interdisant al-shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Taïb. L'auteur nous dit après nous avoir cité la parole d'Ibn Kathir bil ma'na وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées, à l'image de l'islam, la foi, l'excellence. Et parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu, et beaucoup d'autres sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées. Toutes doivent être réservées uniquement à Allah le Très-Haut. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous a cité ici 14 adorations. Après avoir cité les bases, c'est-à-dire qui sont l'islam, l'iman, wal-ihsan. Puis, il nous a cité 14 adorations. Et on remarque qu'il y a beaucoup d'actions du cœur. Et probablement que la sagesse de cela est d'attirer l'attention des musulmans sur le fait qu'il y a des adorations qui sont intérieures et qui doivent être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remarque qu'il n'a pas cité par exemple la salat, la zakat, sont des choses évidentes. Mais al-khawf, la crainte, tayyib, fait partie des adorations, et peut-être que de nombreuses personnes ne font pas attention à cela. Donc il a attiré notre attention sur certaines adorations qui sont des adorations du cœur. Ici, l'auteur n'a pas pour but de citer toutes les adorations. C'est pour cela qu'il nous dit « mithlu » à titre d'exemple. Et lorsqu'il finit, il nous dit « wa ghayru dhalika min anwa'il ibada » et autre que ce que nous venons de citer parmi les sortes d'adorations. Donc il a cité ses adorations à titre d'exemple pour illustrer ce qu'il a cité auparavant. Et si on voit le bien qu'Allah a accordé à cet auteur dans ses écrits, son intelligence et sa sagesse dans ses écrits, si on médite ce qui est passé, l'auteur nous a cité comment connaître Allah Azza wa Jal à travers ses signes. Puis, il nous a dit que Ar-Rabb huwa al-Ma'bud. Après avoir su qu'Allah était le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, c'est donc le seul qui mérite entièrement toute l'adoration. Deuxième étape. La troisième étape, qu'est-ce qu'une adoration? Allati amara Allahu biha. Puis il nous a défini l'adoration. Et nous a aidé à reconnaître une adoration. Et voici maintenant qu'il nous illustre tout ce qui est passé par des exemples. Afin que ce soit clair pour chaque personne musulmane qui espère rencontrer Allah et avoir sa satisfaction dans l'au-delà. Ainsi, tu pourras concrétiser l'unicité d'Allah dans l'adoration est éloigné du polythéisme. Ici, tu vois combien l'auteur a voulu pour nous le bien et l'intelligence qu'il avait dans ses écrits. Naam. Puis il nous dit que celui qui donne une forme, ou avant cela, celui qui donne une forme d'adoration à notre qu'Allah Azza wa Jal, est un polythéiste et un mécréant. Celui qui adore un autre qu'Allah Azza wa Jal, laysa bi muslim. Et ici, il nous cite, naam, des exemples. Taïb. Al-ibada, kama dhakarna, hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, min al-aqwal wal-af'al, al-zahirati wal-batina. Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala nous dit, l'adoration est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché, extérieur ou intérieur. Naam. Comment reconnaître une adoration? L'auteur nous dit, Allati amarallahu biha. Tout ce qu'Allah ordonne est une adoration. Tout ce qu'Allah ordonne religieusement est une adoration. Il nous dit par exemple « Wa aqimu s-salah wa atu zakah » « Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône. » De cela, on tire que la salat et la zakat sont des adorations. Parmi les façons de reconnaître une adoration, « Thana'ullahi ala fa'ilin li fi'li » Lorsqu'Allah fait les éloges d'une personne suite à une action, on saura que cette action est une adoration. Donc, les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens de reconnaître une adoration, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des personnes ou des actions. Voyez. Parmi les moyens de reconnaître une adoration, le fait qu'Allah azza wa jal rattache une action à sa science. طيب مع التفصيل طيب lorsque nous allons lire les preuves apportées par l'auteur on reviendra sur cela طيب l'auteur a commencé par ad-du'a. Il nous dit wa minhu ad-du'a. L'auteur rahimahullah ta'ala a commencé par ad-du'a. Cela car c'est la plus grande adoration. Okay. Cela car ad-du'a est la plus grande adoration. Et celle-ci renferme un bon nombre d'adorations. Celui qui fait du'a, il y a avec cela al-mahabba, il y a al-raja, il y a al-tawakkul. D'accord? Il y a plusieurs choses avec du'a. C'est donc une des plus grandes, c'est la plus grande adoration. Aussi, il a commencé par ad-du'a, car c'est la forme d'adoration qui est la plus souvent donnée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par les polythéistes. Voilà. La forme d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée le plus souvent à, la forme d'adoration qui est le plus souvent donnée par les polythéistes à autre qu'Allah est ad-du'a. Comme al-isti'ana, la demande d'aide. Al-istiratha, la demande de secours. Al-isti'ana, plutôt la demande d'aide. Al-isti'atha, la demande de protection, al-istirath à la demande de secours, talab al-shafa'a, l'intercession. Tout cela entre dans quoi? Dans ad-du'a. D'accord? Taïb. L'auteur, après nous avoir cité ces adorations, nous cite la preuve qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter cette adoration. Et que celui qui donne une de ses adorations, une part de l'adoration, à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, aura commis un acte de polythéisme majeur. Wal'iyadu billah. Et les preuves qui visent à démontrer cela se divisent en deux. Il y a al-adillatul amma wal-adillatul khassa. Pour démontrer qu'une action est une adoration, tu peux procéder de deux manières. La première, c'est utiliser les preuves générales pour toute adoration. Puis, la manière particulière, la deuxième, c'est pour chaque adoration, il y a des preuves particulières. L'auteur a donc commencé par les preuves général puis particulier. قال المؤلف رحمه الله تعالى كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. L'auteur nous dit, pour démontrer que l'ensemble des adorations doivent être exclusivement données à Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Al-masajid fi hadhihi al-aya fussirat bi tafsirayn. Al-awwal buyutullah. Wa-thani a'dha'u as-sujud. A'dha'u as-sujud. Le mot masajid dans ce verset a été expliqué par deux choses. Une partie des savants ont dit masajidullah dans ce verset, c'est buyutullah. C'est ce dans quoi vous êtes. D'accord? Les mosquées. Au sens, yani, comme on pourrait le comprendre. L'endroit où on accomplit la prière, l'endroit où on s'est réuni pour faire la prière en commun, pour lire le Coran et autres. Tayyib. Le deuxième tafsir, le masajid, c'est a'dha ou sujoud, les membres de la prosternation. A'dha ou sujoud. D'accord? C'est-à-dire la paume des deux mains, le front et le nez, les deux genoux, les deux pieds. Voyez? Donc, c'est une partie des savants dit la première parole, une autre partie la seconde parole. Et quoi qu'il en soit, l'explication reste claire. طيب. وأن المساجد لله. Donc, les mosquées appartiennent à Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah. Ad-du'a dans ce verset, فَلَا تَدْعُوا, sachez que le mot طيب, ad-du'a, ad-du'a c'est al-talab, ad-du'a c'est la demande. وَالدُّعَا شَرْعًا لَهُ مَعَنَيَانِ. Ad-du'a a deux sens, ou plutôt se divise en deux. يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. دُعَاءِ عِبَادَ وَدُعَاء مَسْأَلَ. Il y a deux sortes de du'a. Il y a du'a ibada, du'a d'adoration. Il y a du'a mas'ala, du'a de demande. Du'a ibada, c'est imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi hubban wa ta'dhiman. Du'a ibada, on peut dire que c'est l'ensemble des adorations. La salat, on l'appelle du'a ibada. Al-zakat, du'a ibada. As-sujud, du'a ibad. L'ensemble des adorations. D'accord? C'est le fait de mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné, de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Comment est-ce qu'on appelle ça? Du'a ibad. C'est clair? La deuxième partie, du'a mas'ala. Mas'ala, ça veut dire demande. Wa huwa talabu ma yanfa'u da'i fi jalbi manfa'atin أو دفع مضرة. طيب طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. دعاء مسألة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى c'est le fait de demander ce qui nous est profitable, que ce soit de nous accorder un bien ou de repousser de nous un mal. Donc dans du'a mas'ala, il y a une demande explicite. Ça la différence. Dans du'a mas'ala, il y a une demande explicite. Rabbi ghfirli, par exemple. Allahumma hdina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Du'a mas'ala. طيب. Rabbi at'im, ماذا, مثلاً. يعني, quelle que soit la demande. Quelle que soit la demande. Lorsqu'il y a une demande explicite, que ce soit un bien que tu demandes, ou un mal, amada, tu demandes à ce qu'on repousse de toi un mal, on classe cela dans du'a mas'ala. C'est une demande. Le reste des adorations est appelé du'a ibad. Est-ce que c'est wadah? C'est clair? Tayyib. Quel est le sens de du'a ici? D'accord? Quel est le sens de du'a ici? Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les deux. Les deux. Donc, les mosquées appartiennent à Allah. N'adorez donc personne avec Allah. Wadih? Les mosquées sont réservées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Taïb, soit n'adorez donc personne avec Allah. Voyez, ces mosquées ont été construites pour unifier Allah d'un culte sincère. Alors, n'adorez personne avec lui. Voilà le sens. Alors, n'adorez personne avec lui. Le deuxième sens, les membres du sujoud sont réservés à Allah. Yani, c'est Allah qui t'a créé et tu dois adorer Allah Azza wa Jalla avec ses membres. Donc, ne donne aucune part d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et si on dit que c'est du'a mas'ala, alors ne demandez à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala des choses dans lesquelles seul Allah peut vous répondre. Voyez? Juste après, il y aura le détail, et inshallah, ça sera plus clair. Idan, fala tad'u la du'a ibada, wa la du'a mas'ala. Fala tad'u, ici il y a une interdiction, d'adorer un autre qu'Allah, et de demander à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans une chose où seul Allah peut nous répondre. Donc ce verset est une règle générale pour l'ensemble des adorations. De ce verset, on tire l'interdiction de donner une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve générale. On peut l'utiliser pour toutes les adorations. On peut l'utiliser pour toutes les adorations. L'auteur nous dit ensuite, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. L'auteur nous dit, celui qui consacre une quelconque de ses adorations à un autre qu'Allah est donc considéré comme un polythéiste mécréant. Pourquoi? Car il aura fait du shirk akbar. Car il aura fait du shirk akbar. Celui qui donne une chose qui est propre à Allah à un autre que lui aura commis quelle action? Du shirk. Taïf, fahuwa mushrikun kafir. L'auteur ici a dit mushrik et ensuite il a dit kafir. Est-ce que il y a une différence entre ces deux mots? Hal kullu mushrikin kafir wa kullu kafirin mushrik? Taïf. Ou bien est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Beaucoup de savants voient qu'il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord? Beaucoup de savants voient qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et certains savants ont dit qu'il y avait une différence entre les deux. On dit qu'il y avait une différence entre les deux. Qui est que al-shirk, c'est plus particulier que le kufr. Donc, tout mushrik sera un kafir, mais ça n'est pas tout kafir qui sera mushrik. Car, pour que ce soit du shirk, on conditionne, une autre chose. Alors pour que ce soit du kufr, on ne conditionne pas cela. On ne conditionne pas cela. Celui qui adore Allah et avec lui un autre aura fait du shirk, il aura fait aussi du kufr. D'accord? Pour faire du shirk, il faut Allah et une autre chose. D'accord? Mais pour faire du kufr, par exemple, celui qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr akbar. Il sort de l'islam. Mais est-ce qu'il a fait du shirk? Il n'a pas fait de shirk. Est-ce que c'est wadah? Donc pour faire du shirk, on conditionne, que la personne donne une chose à Allah et à autre que lui. Et à autre que lui. Et on ne conditionne pas cela pour le kufr. Et dans d'autres livres plus développés à un niveau plus haut, vous voyez les preuves de chacun et le qawl al-rajah. Donc il y a une divergence dans cela. Quoi qu'il en soit, ça n'affecte pas le jugement fi dunya wa la fil akhir. Ça c'est du ilm. Mais concrètement, fil waqi', ça n'affecte pas. Parce que le jugement du kufr et du shirk, c'est exactement la même chose. Et il se divise en deux. Donc, il n'y a pas d'ishkel. C'est juste les tahqiq ou at-tadqiq. Donc, l'auteur nous dit, celui, ou plus précisément, quiconque, vous, une quelconque adoration à un autre qu'Allah, sera considéré comme un polythéiste, un mécréant. فَمَنْ مَنْ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ أَدَاتُ الشَّرْطِ يَعُومِ إِذَنْ فِي عُمُومِ أَلْفَاعِ. Celui qui, ou bien quiconque, ça englobe tout le monde. Que ce soit un homme, une femme, ou autre, طيب, grand, petit, il n'y a pas de différence. طيب, il n'y a pas de différence. Celui, donc, quel qu'il soit, qu'il soit un savant ou autre, qu'il soit grand, petit, qu'il soit de telle nationalité ou autre, et vous, une adoration à l'autre qu'Allah Azza wa Jal sera polythéiste et mécréant. Quelle est la preuve de cela? وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah nous dit, quant à celui ou bien quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur. Certainement, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. En quoi ce verset démontre que celui qui donne une adoration autre qu'Allah sera polythéiste et mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset et nous dit « وَمَا يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ » Et il finit en disant « إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ مَنْ الْكَافِرُونَ » Donc Allah azza wa jalla a appelé ceux qui donnent une adoration à autre que lui, comment ? Mécréant. D'accord ? Celui qui dit oui mais il n'a pas dit polythéiste. Comment est-ce qu'on répond à ça ? Hein ? Non. C'est pareil. On vient de dire qu'il y a une différence. Donc comment on répond ? Barakallahu fik. Kullu mushrik kafir. Hein ? Quelle que soit la vie qu'on prend dans cette mas'ala, tout polythéiste est mécréant. Donc il n'y a pas de problème. Il rentre dans cette appellation. C'est wadah ou lala ? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque dans waman man hada ou hadi adatu shart fihi umum al-fa'il man, ici, ce mot-là donne la généralité. Hein? Donc, toute personne qui fera quoi? Qui invoquera avec Allah une autre divinité. La burhana lahu bih. Hadi sifatun kashifa. La burhana lahu bih, yani en n'ayant aucune preuve. Cela ne veut pas dire que celui qui adore un autre qu'Allah avec une preuve, il est sauvé. Celui qui adore Allah avec une preuve, sans preuve n'est pas sauvé. Non. La burhana lahu bih, on appelle cela sifatun kashifa. C'est-à-dire que toute personne qui invoque avec Allah autre que lui, n'a pas de preuve. Personne ne peut dire j'ai une preuve. Idan li bayan al-hal. Tayyib. Celui ou bien quiconque qui invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Il aura à rendre des comptes auprès de son Seigneur. Et à la fin, الشاهد إنه لا يفلح الكافرون. Certainement, les mécréants ne rencontreront jamais la réussite. طيب, le connaîtront jamais la réussite. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الدعوة لغيره وختم هذه الآية بالحكم وهو الكفر. Donc la preuve dans cela est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait dit celui qui invoque avec Allah une autre divinité et il est fini en disant les mécréants ne réussiront jamais. Tayyib. Donc on tire de cela que celui qui invoque un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est un mécréant, un polythéiste. Tayyib. Wa fil hadith ad-du'a mukhul ibadah. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. L'auteur nous a cité ce hadith en tant qu'introduction pour ce qui allait venir, mais ce hadith est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu عند الترمذي وهو ضعيف. Ce hadith là a une faiblesse. طيب في سنده عبد الله بن لهيعة. طيب وكذا الوالد ابن مسلم وهو مدلس وقد عن طيب ويغني عنه ما صح عند أهل السنن أو بعضهم الدعاء هو العبادة حديث عبادة طيب الأوتور nous a cité le hadith الدعاء مخ العبادة. Ce hadith là comporte une faiblesse. Et il y a un autre hadith authentique qui est Ad-du'a huwa al-ibada. Et vous, dans votre livre, vous avez directement le hadith qui est authentique. Dans votre livre, vous avez directement le hadith qui est authentique. C'est le hadith de Ubada. Tayyib. Ou bien de Nu'man. Hadith de Nu'man عند Ahmed. Le hadith de Nu'man. Pas le hadith de Ubada ibn Samit, mais le hadith de Nu'man. Wallahu alam, il me faudra réviser. Tayyib. Hadith de Nu'man, عند Tirmidhi, wa عند Ahmad. Tayyib. Ad-du'a, huwa al-ibada. Ad-du'a, huwa al-ibada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, l'invocation, donc ad-du'a, est l'essence même de l'adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé du'a ibad, de manière explicite. De cela on tire que ad-du'a est une forme d'adoration. طيب. Il y a plusieurs طيب, on va continuer encore avec le verset suivant. والدليل قوله تعالى. Donc الدعاء مخ العبادة, c'est comme un titre de ce qui va suivre. Ensuite, il ramène la preuve. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. La preuve, donc la preuve de quoi? Que ad-du'a est une adoration. Également que celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal est un mushrik. Tayyib. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui refusent de m'adorer, par orgueil, entreront en enfer humiliés. طيب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني, c'est un fi'l amr, c'est un ordre. Et on a cité les façons de reconnaître, ou les moyens de reconnaître une adoration. Parmi ces moyens, il y a « al-amru bih ». Donc Allah ici nous ordonne de l'invoquer. Ça. Et Allah n'ordonne religieusement que ce qu'il aime et, qu'il, et ce qu'il agrée. C'est donc une adoration. Cette phrase, il faut la retenir par cœur, comme je vous l'ai cité. Ça va revenir souvent. « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ هَذَا فِعْلُ أَمْرُ وَاللَّهُ لَا يَأْمُرُ شَرْعًا إِلَّا بِمَا يُحِبُّ فالدعاء عبادة. هذا أمر والله لا يأمر شرعا إلا بما يحب فهو عبادة. وهكذا. واضح, c'est clair. Donc ici Allah nous ordonne de l'invoquer. Et Allah n'ordonne pas dans l'adoration, n'ordonne pas religieusement si ce n'est ce qu'il aime. C'est donc une adoration. S'il nous ordonne une chose, c'est qu'il aime et qu'il l'agrée. C'est donc une adoration. Par définition, comme on avait cité la définition d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Deuxième preuve que c'est une adoration. أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je vous répondrai. هَذَا جَزَاءٌ حَسَنٌ. D'accord? Si on ne l'a pas cité, vous le notez que parmi les moyens de reconnaître une adoration, c'est la bonne rétribution. On te dit, si tu fais ça, tu obtiendras cela. Si tu fais cela, tu gagneras cela. D'accord? Ça, c'est une preuve que c'est une adoration. Et ici, أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je vous répondrai. Je vous exaucerai. C'est une bonne rétribution. C'est la preuve que du'a est une adoration. Donc c'est la deuxième preuve. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. D'accord? Ceux qui refusent de m'adorer par orgueil. Troisième preuve, Allah a appelé ad-du'a comment ici? An ibadati. Il l'a appelé adoration. Et c'est la preuve la plus évidente ici. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَيْ ذَلِيلِينَ. Ils entreront en enfer humiliés. Donc on résume. Ce verset est une preuve démontrant que ad-du'a est une adoration. Ce verset est une preuve démontrant que ad-du'a est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala commence le verset et dit, « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi. » Donc on parle ici de du'a. Et on finit en disant, ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. Donc Allah a appelé ad-du'a comment? Adoration. C'est la preuve que parmi les formes d'adoration, il y a ad-du'a. Et il y a d'autres preuves. Le fait qu'Allah nous ait ordonné de l'invoquer montre que c'est une adoration. Troisième preuve, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, nous informe d'une bonne récompense. D'une récompense. D'une bonne rétribution. Astajib lakum. Tout cela nous montre que ad-du'a est une adoration. Donc celui qui donne est du'aout qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura commis un acte de politisme majeur. Celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah aura commis un acte de politisme majeur. Ici, vous vous souvenez qu'on a dit que l'adoration se, ou bien que du'a se divise en deux. Il y a du'a ibada et du'a mas'ala. Et les savants ont expliqué ce verset par les deux. Donc, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Si on dit que c'est du'a ibada, et votre Seigneur a dit, adorez-moi, et je vous rétribuerai. Voilà. Udu'uni ay, u'buduni, u'thibkum. Adorez-moi et je vous rétribuerai. Je vous récompenserai. Le deuxième sens, et c'est l'avis de la plupart des savants, يعني ادعوني طيب اعطيكم. Demandez-moi et je vous donnerai. واضح؟ طيب. Voici pour l'adoration. Il y a d'autres versets dans le Coran qui nous montrent que الدعاء est une adoration. Et d'autres versets dans lesquels on a appelé ad-du'a et ibad. طيب. Par exemple, dans Sourate Maryam, la discussion d'Ibrahim alayhi salam avec son père. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ طيب. Ici, on parle d'Ibrahim alayhi salam. Il dit à son père et à son peuple. Et je m'éloigne de vous, ainsi que de tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah ou avec Allah. Wa ad'u Rabbi, et j'invoque mon Seigneur. طيب عسى الله أكون بدعاء ربي شقيا. En espérant ne pas être perdant, طيب, dans cela. Et plus, et après, qu'est-ce qu'on dit? فلما اعتزلهم وما طيب واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله طيب lorsqu'il s'est éloigné d'eux et de ceux qu'ils adorent avec Allah ou en dehors d'Allah. Donc on a commencé en parlant de du'a et on a fini en parlant de ibad. C'est la preuve que ad-du'a est une ibad. Est-ce que c'est واضح? C'est la même explication que le verset cité dans le matin. Et il y a d'autres exemples, inshallah, c'est clair. Ad-du'a lughatan wa shar'an huwa at-talab. Ad-du'a dans la langue arabe c'est at-talab, c'est la demande. طيب, wa shar'an c'est également at-talab. Shar'an c'est également at-talab. Et on a cité que ça se divise en deux, du'a ibada. طيب, imtithal al-imtithal. طيب, fi'lan wa tarkan. مع المحبة والتعظيم والخضوع. Ça c'est du'a ibada. Et il y a du'a mas'ala. C'est talab. Lorsqu'il y a demande explicite. طيب. Pourquoi est-ce qu'on a appelé du'a ibada du'a? Pourquoi est-ce qu'on a appelé du'a ibada du'a? طيب. Parce que chaque personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, hein, implicitement, elle demande à ce qu'on accepte ses adorations. Elle demande le paradis, l'agrément d'Allah. Elle cherche refuge auprès d'Allah contre le feu de l'enfer. Donc, kullu da'i ay 'abid, tayyib, rahib, raghib. Chaque personne qui adore Allah Azza wa Jall espère la récompense et a peur du châtiment. Donc, implicitement, il demande quelque chose lorsqu'il adore Allah Azza wa Jall. طيب نعم طيب طيب après الدعاء l'auteur رحمه الله تعالى a cité الخوف la peur. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. La preuve de la peur, c'est-à-dire que la peur est une forme d'adoration. Alors à chaque fois, c'est ce qui est sous-entendu, que telle chose est une forme d'adoration, telle chose est une forme d'adoration. Taïb, la preuve que la peur est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Fala takhafuhum. Ici Allah Azza wa Jal interdit aux croyants d'avoir peur des polythéistes. Wa khafuni, mais ayez peur de moi. Mais ayez peur de moi. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Ici Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ordonne d'avoir peur de lui. طيب أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالخوف منه ولا يأمر الله شرعا إلا بما يحب فالخوف عبادة. طيب ثانيا جعل الله سبحانه وتعالى الخوف شرطا في صحة ماذا لصحة الإيمان. طيب ici Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir peur de lui. Et Allah n'ordonne religieusement que ce qu'il aime, que ce qu'il aime. La peur est donc une adoration. Deuxièmement, il en a fait une condition pour la foi, pour l'authenticité de la foi. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Donc celui qui n'est pas croyant n'a pas peur d'Allah. D'accord? Donc le croyant, parmi les formes d'adoration qu'il a, la peur d'Allah. Très bien, un point que j'ai oublié de citer juste avant, concernant un dua. Très bien, concernant dua mas'ala. Très bien, dua ibada, celui qui donne cela à autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un mushrik. Hein? Celui qui donne notre adoration à Allah, celui qui donne une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, c'est un polythéiste, car il est tombé dans le shirk akbar. Taïb. Qu'en est-il de dua mas'ala? La dua de demande. Est-ce que c'est permis de demander une chose à autre qu'Allah, ou non? Hein? C'est permis ou pas? Non? Ou bien ça dépend? Toi, tu demandes jamais à ton père qui t'achète des bonbons. Tu demandes jamais à ton père qui t'achète des choses. À partir d'aujourd'hui, t'as plus le droit de rien lui demander. T'es d'accord avec ça ou pas, Adam? T'es pas d'accord, hein? Taïb, donc. Fi tafsil. Ça dépend. Barakallahu fik. Donc. Si. Tu demandes à Allah. C'est une adoration. D'accord. Celui qui demande à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va dire qu'il avoue une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ça dépend. Taïb. Il a le droit de demander à autre qu'Allah azza wa jal avec trois conditions. Certains ont ajouté une quatrième. La première condition, c'est que la personne soit vivante. La deuxième condition, qu'elle soit présente. La troisième condition, capable. C'est-à-dire que ça rentre dans la capacité du fils d'Adam en général. Idan an yakuna hayyan hadiran qadira. D'accord? Certains ont ajouté wa ya'taqida fihi annahu sabab. Fahasb, le fait de le considérer comme étant une cause, pas plus. Donc si une personne est vivante, présente, capable, c'est-à-dire que c'est une chose que le fils d'Adam peut faire en général, est-ce que tu as le droit de lui demander? Oui, tu as le droit de lui demander. Ensuite, on regarde la chose qui est demandée. Si c'est halal ou haram. D'accord? Quelqu'un qui a une panne de voiture. D'accord? Qui demande de l'aide. C'est permis ou ça n'est pas permis? C'est permis. Quelqu'un qui veut porter une charge lourde. Est-ce qu'il a le droit de demander de l'aide? C'est permis. C'est de Hamas Allah. Et les trois conditions sont réunies. La personne est vivante, présente et capable. D'accord? Très bien. Le fait qu'on ait conditionné qu'elle soit vivante, ça exclut qui? Les morts. Mutlaqan. Celui qui invoque un mort, c'est du shirk akbar. On regarde pas de tafsil. On regarde pas de tafsil. On regarde même pas ce qu'il demande. Celui qui demande un mort, c'est un mushrik kafir. On ne regarde pas ce qu'il a demandé. Donc ceux qui vont au cimetière et demandent aux morts, ils disent c'est un wali, lui, c'est un wali, c'est un wali. C'est du shirk akbar ou pas? C'est du shirk akbar. Même s'il va à Medina, hein? Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk akbar. C'est les actions de Abu Lahab, de Abu Jahal et les autres. Voilà. Et c'est pour cela que les messagers ont été envoyés, pour combattre cela. Voilà. Taïb. La deuxième condition, qu'il soit présent. Ça exclut qui? Les absents. Donc celui qui est là et qui demande à quelqu'un qui n'entend pas sa demande, d'accord, qui est loin de lui ou à l'extérieur ou dans un autre pays, d'accord, sans moyen de communication connu, voyez, il a eu comme croyance que cette personne, hein, entendait tout et qu'elle avait un pouvoir sur la terre, d'accord. Donc cette personne aura accordé à cette autre personne des propriétés que seul Allah possède. Donc c'est du shirk akbar. Est-ce que c'est wadah? Comme relate au soufis, comme ceux qui ont exagéré dans le soufisme, et le soufisme à la base c'est l'exagération, mais ma'ana ceux qui sont sortis de l'islam par cela. D'accord? L'un d'entre eux dit à son élève, moi de mon vivant je suis occupé par l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Mais quand je meurs, hein, je m'occuperai de vous. Donc quand t'as un problème, tu demanderas pas à Allah, tu me demanderas à moi. D'accord? Certains aussi ont dit, moi, à moi appartient la gérance de tel endroit du monde. L'autre, il dit, et moi, c'est l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc, ils disent à leurs élèves, lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous nous demandez à nous. Ça, c'est du shirk akbar. Hein? Lui en Égypte, et l'autre est au Sénégal, et quand il a un problème, il l'invoque. Comme ça. Il pense qu'il peut l'entendre, qu'il peut l'aider. Ça, c'est du shirk akbar. Ça, c'est du shirk akbar. Car il a donné des choses propres à Allah à autre que lui. Wal'iyadu billah. Taïb. Troisième point, la troisième condition, c'est quoi? Qu'il soit capable. C'est-à-dire que ça rentre dans la capacité du fils d'Adam à la base. Na'am. Wadah. Donc, lorsque ces conditions sont réunies, ça devient permis. D'accord? À la base, après on regarde la demande. On regarde on regarde la demande. Celui qui te dit, par exemple, va m'acheter un paquet de cigarettes. T'es présent, t'es vivant, t'es présent et t'es capable. Mais est-ce qu'on va dire que c'est permis? Non, parce que la chose demandée, elle est muharrama. Hein? De fumer, c'est haram ou c'est halal? C'est haram. D'accord? C'est haram, évidemment. Donc celui qui fume, il prend des péchés ou pas? Prend des péchés. Hein? De plusieurs points de vue, il prend des péchés. Pas juste en fumant. De plusieurs points de vue. Comme ça viendra, inshallah ta'ala, dans une khutbah. Taïb. Celui qui demande une chose à autrui et qu'il manque une de ces trois conditions, vivant, présent et dans la capacité du fils d'Adam, il tombe dans le shirk akbar. Celui qui invoque un mort, il a commis du shirk akbar et sort de l'islam. Celui qui invoque quelqu'un qui est absent, pareillement. Et celui qui demande à autre qu'Allah une chose où seul Allah était capable de te donner, c'est du shirk akbar. Quoi par exemple? Le pardon pour tes péchés. Quoi par exemple? Des enfants. Quoi par exemple? La traversée du pont, as-sirat. Le fait d'être préservé de l'enfer, et ainsi de suite. Par exemple, les chrétiens, lorsqu'ils font des péchés, ils font quoi après? Hein? Ils vont à l'église, ils vont voir le Mada, le prêtre, et lui disent, mon père, j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et il lui dit pas à mon fils, tu es pardonné. Ça marche ou ça marche pas? Hada batil hada. Taïb. Ils font tous les péchés de la terre, ensuite ils vont voir un homme comme eux, qui est né comme eux, qui va mourir comme eux, et il lui dit, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et il lui dit, pars, tes péchés sont pardonnés. Là, celui qui a la capacité de pardonner les péchés, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de demander à autre qu'Allah une chose où seul Allah pouvait répondre, c'est du shirk akbar. Wadah. Celui qui demande, par exemple, à quelqu'un de pieux, fais-moi entrer au paradis. C'est permis ou c'est pas permis? C'est du shirk akbar. Il n'y a qu'Allah qui peut te faire entrer au paradis. Celui qui demande à quelqu'un, sauve-moi de l'enfer. C'est permis ou c'est pas permis? C'est pas permis, il n'y a qu'Allah qui peut te sauver de l'enfer. Celui qui est aveugle, qui veut la vue, voyez, qui est malade, qui veut la guérison, wa hakadha. Tayyib. On demande tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à un autre que lui. Celui qui demande à un autre qu'Allah une chose, tayyib, où seul Allah azza wa jalla était capable, il sera tombé dans le polythéisme majeur. إذن من طلب لغير الله شيئا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم قال المؤلف الخوف. طيب ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. N'ayez pas peur de moi, ayez peur de moi si vous êtes croyants. Allah ici nous a ordonné d'avoir peur de lui, c'est donc une adoration. طيب الخوف طيب هو الذرع وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلك أو ضرر أو أذى. La peur dans langue arabe c'est la frayeur. La peur dans langue arabe c'est la frayeur. Il s'agit d'une émotion que l'on éprouve en appréhension de ce qui cause la mort, un dommage ou un tort. Comme a cité Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc il s'agit d'une émotion que l'on éprouve en appréhension de ce qui cause la mort, un dommage ou un tort. Toi. Ah, c'est la définition d'al-khawf. Al-khawf se divise en plusieurs catégories. Ça c'est khawf ul-ibad. Ça c'est l'adoration. D'accord? C'est la crainte, la peur en tant qu'adoration. Il y a la peur qui est du shirk. Shirk akbar. Tayyib. Kaman khafa min ghayrillah kama khafa min Allah. Celui qui a peur d'un autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah, sera tombé dans shirk akbar. Il y a le khawf al-tabi'i. Il y a la peur naturelle. La peur naturelle. Comme avoir peur, tayyib, d'une bête féroce, ou d'un serpent, ou d'un lion. D'accord? Ou de mourir, tout ça c'est yani naturel, c'est une peur naturelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. En parlant de Moussa alayhi salam, le lendemain matin il se trouva en ville craintif en regardant autour de lui. Donc c'est un prophète et il a une peur naturelle. Par contre, si cette peur te pousse à outrepasser les limites d'Allah, à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, ou à délaisser un ordre, hein, tu délaisses un ordre, ou tu commets un interdit, par peur du fils d'Adam, à ce moment-là, tu tombes dans le haram. Cette peur qui à la base est naturelle, peut monter au niveau de devenir interdite, ou shirk asrar, ou shirk asrar. Par exemple, tu dois recommander le bien à quelqu'un ou lui interdire un mal. D'accord? Il a fait quelque chose de haram. Tu sais qu'il faut lui dire, mais tu as peur. Pourquoi? Parce qu'après on va parler sur toi, parce qu'après ceci, cela. D'accord? Alors tu délaisses cet ordre d'Allah Azza wa Jal. Le fait de recommander le bien et de proscrire le mal. Ça passe de khawf tabi'i à muharram. C'est interdit. La preuve, c'est que le prophète sallam nous dit que yawm al-qiyamah, Allah azza wa jalla va dire à son serviteur, tu as vu un mal, pourquoi tu ne l'as pas changé? Il va dire, j'ai eu peur des gens. Allah va lui dire, j'étais plus à même de recevoir cette peur. D'accord? Donc ça prouve que c'est haram. Donc la personne doit s'efforcer d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des adorations les plus profitables. Et avec cette peur, le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette peur, le serviteur s'éloigne de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où certains parmi les anciens ont dit que si la peur sort du cœur, le cœur périt. Si la peur d'Allah sort du cœur du serviteur, le cœur périra. Et la peur qui est utile au serviteur, c'est la peur qui l'aide à s'éloigner de la désobéissance d'Allah et à rester sur le droit chemin. Mais si cette peur prend une part telle qu'il désespère de la miséricorde d'Allah, alors il aura exagéré dans cette peur. Certaines personnes ont peur d'Allah au point où qu'après avoir commis un péché, elles se disent, moi, Allah ne me pardonnera jamais et ces gens-là délaissent l'adoration. Khata. Ça, c'est une faute. Wa ma yaqunutu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Donc, cette peur doit te pousser à te rapprocher d'Allah et à délaisser, les péchés. D'accord? Et à délaisser les péchés. Tayyib. Il y a ce qu'on appelle khawf al-sirr. La peur qui est due à des causes cachées. C'est-à-dire, il n'y a pas de cause apparente. Ça rentre dans le shirk akbar. C'est la peur, par exemple, de sahib al-qabr, ou du wali, et ce genre de choses. Hein? Comme quelqu'un qui a peur de quelqu'un qui est mort dans sa tombe. Il dit, c'est un wali, et il me voit, hein, et si je fais pas ça, il va me faire du mal. Ça, c'est du shirk akbar. Ça, c'est du polythéisme. Le musulman n'a pas cela. Le musulman n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ceux qui ont peur de personnes qui sont absentes. D'accord? Lui est dans tel pays, l'autre est dans un autre pays, mais il a peur de lui. Il n'y a pas de cause apparente. Hein? Il n'y a pas de cause apparente. Mais c'est une adoration qu'il a donnée à cette créature, wal'iyadu billah. C'est ce qu'on appelle khawf al-sirr. Certains, par exemple, parmi Rolat Sofia, wal'iyadu billah, yani, subhanallah. Lui est au Sénégal, l'autre est en Égypte. Hein? Et tu lui dis, fais ça, il te dit, attention, non, faut pas faire ça, attention. Tu dis, pourquoi? Il dit, le wali, fulan. Tu lui dis, il est où? Il dit, il est en Égypte. Tu dis, subhanallah. Taïb, t'as pas peur de celui qui est derrière la porte. Parce qu'il ne te voit pas et tu as peur de lui alors qu'il est dans un autre pays. Le seul à te voir partout que tu sois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc cette crainte-là, cette peur-là, c'est une peur de polythéiste. C'est pas une peur de musulman. Taïb. D'avoir peur d'un lion, ça c'est une cause évidente, hein, d'une bête féroce. Amma, d'avoir peur de quelqu'un qui est dans un autre pays et qui ne te voit pas, ne t'entend pas, celui qui tombe dans ça, il tombe dans shirk akbar wal iyadu billah. طيب. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Puis l'auteur cite l'espoir ou l'espérance, il nous dit que c'est une forme d'adoration. Al-raja lughatan huwa at-tama'. Al-raja, c'est l'espoir, donc. Wa shar'an amalu al-'abd bi rabbihi fi husul al-maqsud. Amalu al-'abd bi rabbihi fi husul al-maqsud ma'a adh-dhul. Donc l'espoir. Personne fait une bonne action, elle espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et la rétribue. Tayyib, en s'humiliant devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu agis, tu fais les causes, et tu espères qu'Allah azza wa jal te rétribue. Tu t'humilies devant lui, et tu espères sa récompense. Par contre, celui qui n'agit pas, et il dit j'espère qu'Allah me pardonne, j'espère qu'Allah me fasse entrer au paradis, c'est pas du raja. C'est pas du raja, c'est pas de l'espoir religieusement accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le raja, il y a fi'lul asbab. Hein? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes actions. D'accord? Donc celui qui reste assis, il n'adore pas Allah, il ne délaisse pas les péchés. Puis il dit, j'espère rentrer au paradis, j'espère sortir de l'enfer, ne pas entrer en enfer, j'espère ne pas être châtié. J'espère avoir une grande place au paradis, être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas de l'espoir. Ça n'est pas de l'espoir, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Taïb. Ensuite, donc ça c'est raja ibad. Il y a raja al-shirk. Al-shirki, c'est le fait d'espérer, auprès d'un autre qu'Allah, comme on espère chez Allah. Ou d'espérer. Une chose que seul Allah peut te donner auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'entrée au paradis, comme être sauvé de l'enfer, comme des enfants, comme la santé. Il y a des choses que seul Allah azza wa jal peut donner. Puis il y a raja al-tabi'i, il y a l'espoir naturel. Tayyib, l'espoir naturel. Tu dis à quelqu'un, arjouk, j'espère de toi que ceci, cela. Tu as le droit, c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran wal qawa'id min an-nisa illati la yarjuna nikaha. Donc on a utilisé le mot raja, tayyib, autre que pour l'adoration. C'est la preuve qu'il y a une forme d'espérance qui est permise. La preuve que l'auteur a citée est le verset à la fin de Sourate Al-Kahf. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il vaut à son Seigneur. Celui qui espère la rencontre avec son Seigneur. Donc la récompense et rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et le voit qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Ici, la personne espère le bien, espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et ça l'a poussé à faire de bonnes actions. Donc c'est une chose qui est élogieuse. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que parmi les formes, parmi les moyens, pardon, qui nous permettent de reconnaître une adoration, athana, athana. Donc al-raja a fait découler les bonnes actions. C'est que c'est une bonne chose et qu'Allah azza wa jalla en fait les éloges, c'est donc une adoration. On va s'arrêter sur ça et demain, inshallah ta'ala, nous finirons les adorations, at-tawakkul wal-rahba, ou bien al-rahba wal-rahba wal-khashia, jusqu'à la fin, inshallah ta'ala. Et ce qui est demandé aux frères ici, c'est de comprendre l'adoration. Puis, d'avoir la preuve qui montre que c'est une adoration. Et de savoir comment adorer Allah Azza wa Jal avec. Barakallahu fikum wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.